Écouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd! Ben oui, je critique les foules. Et pour tous ceux qui écoutent souvent l'émission, ben oui, des fois, on se reconnaît dans la foule et on se fait des coucous. Des fois, ça a une influence aussi sur le spectacle. On peut danser, trasher ensemble dans la joie de vivre. Alors, il y en aura durant le spectacle de Rouge Pompier au Club Soda. Oui, ce sera une émission complète sur ce spectacle parce que, ça commençait de bonne heure, puis il y avait bien du groupe, bien de l'artiste, parce que Frank Cousteau, je pense qu'il jouait tout seul en duo. Moi, là, ça commençait déjà à prouver que j'étais pas à l'heure. Fait que oui, je vais faire une critique et une non-critique de Crowd de Frank Cousteau, Fuck Tout, Lubic, Octoplot et Rouge Pompier. Ça se passait samedi dernier au Club Soda. Et oui, en même temps, bien des questionnements, entre autres, une fois, deux fois plutôt qu'une, sur la place de la femme en spectacle. Mais oui, genre, c'est à suivre, c'est à suivre. J'en suis une, fait que ça va être pratique aussi pour en parler. Et sinon, on va aller en musique avec... Oh mon Dieu! Il est sorti le 18 novembre dernier, puis j'étais toute excitée de savoir que Guérilla Poubelle sortait un nouvel album, La Nausée. Il faut dire aussi qu'entre leur album Punk égale existentialisme et Amor Fatigue, oh, qu'il y avait eu des années les séparant, et cette fois-ci, il me semble qu'il est apparu un peu par magie en si peu de temps. Alors, je comprends toujours pas pourquoi j'en ai pas pensé plus tôt. Alors, allez découvrir l'album au complet sur leur Bandcamp. Mais sinon, en ce moment, on va aller écouter L'amour est un chien d'enfer. Je la dédie à Marie-France Desrosiers. Je te salue, toi et toute ton équipe qui écoute Critique de Crowd. J'espère que tu es aussi fan de Guérilla Poubelle. Sinon, je la dédie pareil sur les ondes de CISM. L'amour est un chien de l'enfer, nouvelle chanson de Guérilla Poubelle, parmi 13 au total de ce merveilleux album. Et voilà, vous écoutez toujours Critique de Crowd. En ce début d'émission, est-ce un spécial? Je vais dire un spécial Rouge Pompier. C'est pas la première fois que je vais voir un de leurs spectacles, mais c'est la première fois que je les vois en spectacle intérieur. Ouais, disons que les autres fois, c'était toujours dans le cadre de festivals. Ils ont aussi beaucoup une dynamique à eux en show dehors, comme je me souviens de faire des circle pits autour de la régie pour le son ou à côté d'un arbre. Ces éléments ne pourront pas être très, très possibles, disons, en spectacle, ou en tout cas, au moins pour l'arbre, là, peut-être moins pour le gars qui s'occupe du son. Mais oui, c'était la première fois que je les voyais en spectacle à l'intérieur, mais ce n'est pas la première fois qu'ils font un spectacle au Club Soda, mentionnons l'année dernière, 22 avril 2016. C'était un party, oui, on pourrait dire sous la bannière de leur étiquette Slam Disc, puisque c'était tous des artistes de là, Noé Talbot, Athéna, Les Connards à l'Orange, Kamakazi. Tandis que cette fois-ci, ben, Lubic ne sont pas de cette grande famille de punk rockers, mais pour tous les autres, d'une façon ou d'une autre, ils étaient. Alors, comme je vous ai dit, Frank Cousteau, Fuck Tout, Lubic et Octoplot qui lançaient, même si l'album est sorti le 25 novembre dernier, ben oui, dans le fond, c'était la bonne date. Ben, il était sorti, bref, l'album était sorti, on pouvait l'écouter, mais c'était le lancement officiel de Démon Normal. Et sinon, ben, comme anniversaire, ben oui, c'était l'anniversaire, le deuxième anniversaire de Chevy Chase. J'ai l'impression que si la tendance se maintient, comme il va avoir un anniversaire au Club Soda à chaque année jusqu'au prochain album, qui est dans 2 ans, puisqu'en font 4 ans, c'est ma théorie, ce sera à suivre pour l'année prochaine et dans 2 ans. Et sinon, ben oui, comme je vous ai dit, ben oui, je garde les traditions parce que Crowd, quand on se croise en spectacle, tu m'en parles. Des fois, quand je dis « Hey, je suis arrivée à l'heure, hey, c'est le fun », tu dis « Ah ouais, t'as perdu tes traditions, Jolene, t'es pas en retard ». Mais cette fois-ci, sans que ce soit une excuse, c'est quand même une heure peu traditionnel pour les salles de spectacle de commencer à 19h. Ben oui, il me semble que l'heure classique, c'est 8h. Dans les bars, ça va à 10h, 10h30, tandis qu'on peut, en quelque sorte, le considérer comme un early show en commençant à 7h, mais c'est aussi parce que le programme était particulièrement, long, parce qu'il n'y avait pas juste une première partie. Pour moi, c'était un peu comme assister à un événement en soi. Comme, oui, je me sentais déçue un peu de ne pas arriver à l'heure. Là, c'est le moment où tu dis « gère ton temps, Jolene », au lieu de juste dire que tu arrives toujours en retard. Et c'est là où, être de bonne compagnie, ça aussi une incidence sur notre appréciation du spectacle. Que tu viennes en compagnie avec ou sans S, ben oui, ça crée une dynamique en soi dans la foule, mais aussi ça peut changer l'heure à laquelle que tu vas arriver au spectacle. Ça a été mon cas parce que, ouais. Moi, j'arrive en retard parce que j'ai mon temps moyen. Mais j'ai aussi un ami qui lambine un peu, mais au final, je trouve qu'il est surtout paisible, calme et que ça apparaît aussi dans sa façon de gérer le temps. Il n'y a rien de pressant, il n'y a jamais rien de grave. Je trouve ça plus beau à dire ainsi que dire qu'il est juste branleux parce que c'est vrai. Pourquoi on se dépêche? Le stress et tous ces facteurs qui sont mauvais pour la santé, pourquoi autant capoter? Mais en même temps, ouais, là, je commençais un petit peu à stresser. Je me dis, oh mon Dieu, on va manquer fuck tout. On manque déjà Frank Cousteau, puis là, je fais le deuil. Mais là, je dis, oh mon Dieu, fuck tout. Les tunes toute une minute, arrive 10 minutes en retard, t'as manqué le 3/4 du show. Et ça fait beaucoup rire parce qu'il hésitait sur la paire de souliers qu'il voulait mettre. Et je le comprends parce que question pit, oui, ça a un impact. Moi, je mets tout le temps des Doc Martens puis c'est beaucoup plus simple. Mais là, il hésitait entre une paire de souliers puis une paire de souliers. Tu sais, oh mon Dieu, tu sais, les souliers là, qui ont des orteils, ça fait juste comme faire peur à la foule. Le monde sont genre comme, ah, es-tu nu-pied ou ses pieds sont bien étranges? Alors, durant, beaucoup de questionnements vestimentaires et de souliers, je crois au miracle, puisque nous sommes arrivés à l'avance. Oui, miracle. J'étais certaine que, je crois que le show était assez tight pour les heures et les entractes étaient assez courts, mais fuck tout n'avait toujours pas commencé à jouer. En arrivant dans la salle, justement, vu que le show n'avait pas commencé, j'avais pu apprécier l'atmosphère direct en rentrant au Club Soda. Je dis direct en rentrant parce que, oui, il y avait beaucoup de bandes égales aussi, beaucoup de tables de merch. Et c'est pas autant la vente de gaminets qui m'ont marqué que ce que les gens portaient. C'est fou! C'est un peu je sais pas si c'est niaiseux, mais quand je suis rentrée, est-ce un add-on, mais je me suis vraiment sentie comme dans un show metal. Il y avait trop de t-shirts de Iron Maiden, puis j'étais comme, voyons, je suis à la bonne place ou je capote? Mais oui, visiblement, les amateurs de Rouge Pompier et de tous les autres groupes dans la soirée sont des amateurs de son bien lourd. Et même, ça se confirme dans la salle, vraiment une crowd de porteurs de t-shirts. Il y a beaucoup marqué nos allégeances musicales. Musicales, particulièrement les groupes locaux et des bands que je me suis vraiment pas attendu qu'ils soient portés durant un show de Rouge Pompier. Je pense à Forteresse, qui est un groupe de black metal francophone québécois. Et ben justement, tu sais, c'est une soirée de rock juste francophone, puis ça va encore se confirmer avec une fille qui porte un t-shirt de Banal, qui est un band de punk, grindcore, power, violence. En même temps, tu sais, ça fit quand tu vas voir Fuck Tout de porter un t-shirt de Banal. Mais pour moi, c'était déjà assez visiblement en clair, oui, les gens, ils viennent voir un peu quel genre, parce que oui, dans la soirée, ça va être assez varié, même si on reste dans la grande famille du rock. Pour moi, c'était très flagrant. Autre point aussi, direct en rentrant dans la salle, c'est que le balcon est ouvert, mais n'est pas accessible à tous. Et Néo, tu ne pourras pas t'asseoir comme bon tu le veuilles, crowd. Et en même temps, tant mieux. Des fois, il vaut mieux crowder aussi le parterre, parce que le deuxième étage était réservé aux familles. Ça, c'est... Là, c'est le moment où je me suis sentie mal, puis j'ai reconnu quelqu'un, puis j'ai fait un tata, puis il me disait « Viens me voir! » Puis là, j'étais comme « Je peux pas! J'ai pas d'enfant! » Et là, j'allais pas en emprunter un pour aller au deuxième étage, fait que je suis allée illégalement. Je me suis vraiment sentie rebelle pour aucune raison. Je sais même pas pourquoi je le chuchote, parce que vraiment, je suis gênée d'être allée, puis j'avais pas le droit. Et pour aussi le mentionner, je crois qu'il a été beaucoup vendu comme un show familial. OK, fuck tout show familial, ça peut sonner un peu sonnant comme affirmation, mais oui, le show était beaucoup présenté comme un show grand public pour tous et pour les enfants. Entre autres, justement, en priorisant un espace pour les familles. Mais là, ça m'a fait un drôle d'effet, juste en voyant les posters avant le spectacle. C'était tout simplement parce que, est-ce que tout le monde est au courant, mais les salles de spectacle, avec les permis d'alcool qu'ils ont, ça n'empêche jamais ou relativement jamais, à moins que l'artiste le demande, ou bien des exceptions spéciales, que ce soit interdit aux jeunes. C'est les bars que tu peux pas, et même des microbrasseries à certaines heures, comme avant 18 heures, tu peux venir avec des enfants, tant qu'ils consomment pas de l'alcool, évidemment. Là, mais ouais, ça, je savais pas. Parce que aussi, j'ai vu sur Internet des commentaires de la crowd comme « Ah oui, c'est vraiment grand public! » Et là, ça m'a un peu perturbé. Sache-le, crowd, les salles de spectacle, à moins qu'ils disent le contraire. Justement, quand c'est pas grand public, ils précisent. Parce que ce n'est pas un bar. Alors, sur ce, écoute, je l'ai même pas un peu vu. J'ai zéro vu que Frank Cousteau, qui son album sortira l'année prochaine, fait qu'on peut même pas en écouter. Ça donne du mal. Fait qu'à la place, on va aller écouter, son projet, son groupe, Les Canards à l'Orange, avec la chanson Le Pied. Thank you. La magie du direct veut que mon CD veut pas partir. Ça, c'est bien agréable parce qu'ils sont tannants, les garçons de Fuck Tout, même en album. Mais écoute, on va continuer avec des CD qui tombent à terre. Avec, justement, la critique de Fuck Tout. Parce que ce n'est pas la première fois que je les vois en spectacle. Et ce n'est pas la première fois que je vous en parle sur les ondes de CISM. Et même la semaine dernière, je vous en ai passé. Je les aime beaucoup. Ils sont courts en chanson, mais bien efficaces. Et ils sont surtout récompensés cette année au Gamic. C'était même la veille, le spectacle, avant le gala, récompensé pour album punk de l'année et pour tous les amateurs de la scène qui varge. Ben oui, c'est un ben d'ex-guenille, mais qui sont encore plus violents, plus acerbes que jamais avec Fuck Tout. Et quand je vous dis que je les avais déjà vus, je les ai jamais critiqués sur les ondes de CISM. Je sais, des fois, je vais voir des spectacles, puis je me dis, j'ai vu d'autres, j'en vois trop dans la même semaine, puis je me dis, je vais attendre le bon moment. Et c'est vraiment le spectacle que je regrette le plus de ne pas vous avoir parlé la semaine même, parce que c'est le dernier spectacle que j'ai eu l'occasion de voir à la pause, avant qu'elle ferme, et qui était aussi le musée de littérature du Québec, et avec toutes les péripéties qu'il y avait eu avec la moisissure et c'était compliqué, le lion était aux vaches, puis c'était bien triste. Je m'en voulais de pas vous avoir fait la critique. C'était aussi le dernier spectacle de Tribunal pendant un an, puisque le chanteur partait à l'extérieur du pays. Et ça avait été un spectacle d'une proximité incomparable. Déjà, la passe, c'est ce que ça l'amenait en soi. Il n'y a pas de stage. Et c'est petit, alors ça mène pas nécessairement une grande foule. Mais ça avait été tellement... déjà, François le chanteur, il est hyper intense. Là. C'est comme un animal en cage qui se garoche toujours à terre. Il chante couché, dans le fond. Mais oui, ça avait été justement ça, de pouvoir le voir d'aussi près, mais en train de tordre par terre. Puis je me demandais, ça allait être comment dans une formule plus conventionnelle qui est la scène sur un... dans une salle de spectacle. Tu sais, dit de même plus conventionnelle. C'est une scène sur un stage. C'est pas mal comme ça que ça fonctionne pour donner des spectacles. Même si, oui, jouer par terre, c'en est aussi une formule. Alors, pour vous dire à quel point la proximité et l'énergie avaient vraiment été... en incidence avec la passe. Pour moi, j'étais vraiment curieuse. Il faut dire, pour les amateurs de la marche, peut-être que vous avez eu l'occasion de les voir à la tente de CISM durant les Francofolies, où, encore une fois, on était dans la turbulence. J'en parle en connaissance de cause, non d'avoir été présente, mais plutôt d'avoir pu voir le Facebook Live quelques jours plus tard. Je crois que c'est une performance qui va rester marquante dans l'histoire de CISM. Et peut-être, indirectement, aussi celle du Théâtre du Nouveau Monde qui ont peut-être moins apprécié les décibels qu'amenait le spectacle de Fuck Tout. Alors ce serait faux de vous dire que j'ai pas d'attente, dans le sens où je crois que Fuck Tout a une réputation scénique et en même temps ils répondent toujours. Oui, c'est turbulent. Oui, ça pète des micros, puis c'est violent, mais ça vient pas attaquer la crowd en tant que telle. Même que là-dessus, le fait que ça soit sur une vraie scène amenait pas cette proximité-là. Faut dire aussi, et je l'ai pas encore mentionné, mais quand je mentionnais que je trouvais que le spectacle de Rouge Pompier au Club Soda était un événement en soi, c'est parce que, oui, comme l'année dernière, il y avait le stage au centre. Et même si pas tous les groupes, dans le fond, il y a juste Rouge Pompier qui vont jouer au centre, mais ça prend de la place dans la crowd. Ça va déjà modifier l'espace de la foule pour tous les autres bands. Et il y a déjà deux drums sur stage. Et les deux sets que j'ai vus, ils étaient à gauche, tandis que Octoplot vont jouer à droite. Oui, ça resserre en quelque sorte l'espace scénique qui est un peu à leur disposition, mais ils se promènent quand même beaucoup tout en respectant un peu cette petite bulle-là. Je l'ai vraiment senti, oui, dans sa bulle, parce qu'ils pouvaient aller se déplacer, ils pouvaient aller en avant, plus en arrière, mais un peu plus, plus reculé que si on avait été à la passe. Et Je sais pas encore. Oui, il y avait quand même beaucoup de monde déjà d'arrivée. J'étais bien heureusement surprise de l'intérêt que pouvait avoir la foule. Encore une fois, un peu qui pouvait être un peu hétéroclite, mais une hyper grande présence de photographes. Oh mon Dieu! Tu sais, des fois, je trouve que les photographes se gênent pas. Il y en avait comme en coulisses, en avant. Ben, je les trouvais pas dérangeants. Je les trouvais juste comme hyper présents, étant donné qu'ils bougeaient plus. La foule était relativement statique. Oui, à côté de ce qui se passait sur scène. Et dans la foule, c'était surtout à la gauche, centre gauche, pas en avant du tout, où ça headbang avec les genoux bien arqués, là, comme des petits crapauds, et ils rebondissent sur place. Oui, on sent une turbulence aussi dans la foule, où c'est même headbangers, ils vont vouloir ouais, se pousser, mais ça va être un peu comme sur leurs épaules, sur leur côté de personne. C'est pas, on n'est pas en train de danser, on n'est pas en train de trasher. C'est plus ouais, du poussoyage en headbanging, un beau mélange des deux. Sinon, peut-être cette interaction avec la foule, le lancer de sac banane de la part du chanteur. Et c'était un merveilleux sac banane avec un motif ska, là, carotté noir et blanc. Et c'est arrivé juste derrière moi. Je l'ai ah oh, mon Dieu, j'ai quasiment envié la personne. Parce que moi, je trouve qu'il faut quand même un peu d'orgueil pour porter un sac banane très voyant. Tu sais, je sais pas à quel point c'est revenu à mode ou non, hein, sac banane, c'est pratique. Moi, je vois beaucoup de monde en spectacle, surtout en festival ou à l'extérieur, en porter parce qu'effectivement, t'es beaucoup plus libre de tes mouvements, t'as pas mal au dos de porter un sac ou une sacoche qui va tenir juste sur une épaule. Fait que vraiment, moi, je trouve que c'est l'idéal pour la crowd, mais avec un motif ska, faut quand même l'assumer. Alors, je me demande, toi, cher gagnant de sac banane, vas-tu le porter? Parce que, ouais, moi, j'aurais aimé ça en avoir un. Le mien, il est énorme. C'est le plus gros sac banane. Non, j'ai déjà genre, mais il est gros puis il y a plein de studs. Il est vraiment voyant. Il est pas voyant, puis avec toutes les studs qu'il y a partout, j'ai l'impression que je porte comme un énorme porc-épic sur mon pubis, tu sais, on va se le dire, là, ça arrive pas à ta taille, là, un sac banane, ça arrive drette là où il y a la censure. Fait que j'ai toujours l'impression de traîner un porc-épic punk. Bon, c'est thématique, mais évidemment, je le trouve un peu disgracieux. Alors, si tu veux faire un échange de sac banane avec Critique de Crowd, je suis game. Alors, tu pourras appeler au 514-343-2476, c'est toi le gagnant de sac banane, ou ben donc écrit sur le Facebook de Critique de Crowd. Ça me fera bien plaisir de faire cet échange. Cet échange, moi, j'allais dire de vêtements, mais c'est pas vraiment de sac. Oh non, simplement de sac banane. Alors, on va aller en écouter du Fuck Tout, N'ayez crainte, mais avant. Je crois même que c'est bien intéressant de les passer avant parce que si vous trouvez que ça rentre dans ta face, fuck tout, je vous dirais que Patente, ça te rentre vraiment dans ta petite face. Et c'est un album qui est sorti cette année et encore une fois, c'est comme Guérilla Poubelle, j'en reviens pas. J'aurais dû l'écouter encore plus tôt dans mon année, même s'il est sorti il y a pas très longtemps cet automne. Prête ou dead de Crime sur leur nouvel album, Crime. Cause I- Ah, du bon grind avec Patente, et que vous avez entendu la chanson Prêt ou Dette. Et sinon, vous avez entendu fuck toute la toune, fuck toute l'album, c'est bien thématique. Et sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd après les publicités Lubic, Octoplot, Rouge Pompier et, mon Dieu, Body Surfer en 360. Oui, oui, après les publicités. À tout de suite. LCD Sound System en concert. LCD Sound System à la place Belle de Laval le samedi 2 décembre. Billets en vente au 1-855-634-4472 sur placebelle.ca ou evenco.ca. Pour plus d'informations, visitez le lcdsoundsystem.com. Mara Tremblay, porte-parole de la 24e édition du Festival Noël dans le Parc, le plus grand festival de Noël à Montréal, qui aura lieu du 1er au 25 décembre. Musique, culture et tradition, avec Louis-Jean Cormier, Vilain Pingouin, Damien Robitaille, Croy et bien d'autres. J'y serai moi-même, le spectacle d'ouverture du 1er décembre. Noël dans le Parc, une foule d'activités en plein cœur du centre-ville. Des spectacles gratuits dans une ambiance réconfortante et magique. Pour plus de détails, visitez Noël dans le Parc. Montréal en lumière vous promet des soirées musicales inoubliables. Sur scène, l'artiste de l'année au dernier gala de la disque, Patrice Michaud. Le groupe de feu, Random Recipe, et les pièces de son troisième album. La voix riche et l'authenticité désarmante de la jeune chanteuse Gabrielle Chong. Et les harmonies musicales distinctives et le folk raffiné de Coco Méliès. Billets en vente au montrealenlumière.com. Présenté en collaboration avec Belle, en association avec La Presse Plus et CISM. Le 30 novembre, viens célébrer les 50 ans des Cégeps avec l'OSM et plusieurs artistes invités, dont Corias, Philippe Braque et Catherine Major. Billets en vente à seulement 25 $ pour les étudiants. Détails sur osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bye. oui, j'ai choisi la version live de ce soir, c'est Noël, des Wampas sur leur album Tout à fond live pour vous. Ben oui, Noël approche. Ce n'est pas ce soir exactement Noël. Par contre, on est en pleine préparation des top 50 à CISM. Alors, je serais bien curieuse, crowd, de connaître tes top à toi, tes top albums, mais aussi, hein, pas pour rien qu'on mène ton live, tes spectacles de l'année. Je peux pas me multiplier et pas plus que me diviser. Alors, le nombre de spectacles que l'on peut voir dans une année se limite déjà en partant par le nombre de jours qu'il y a dans une année, mais aussi le temps qu'on y accorde. Alors, je serais bien curieuse de connaître tes coups de cœur musicaux dans tout, dans son spectre le plus large. Et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Ah, bien des spectacles encore cette semaine, jeudi, ce soir, c'est le lancement de mon oncle Serge pour son plus récent album. C'est un 5 à 7 qui se passe au Petit Campus. Il y a souvent l'habitude aussi de faire ses lancements là-bas. Alors, si vous êtes comme moi puis que vous n'êtes pas trop à l'heure, bien, sache-le, ça commence à 6, la performance, ça ouvre à 5. Fait que soit drette là à 6. Ça devrait être mon cas. Sinon, bien, ce soir, il y a aussi Scissors qui seront en spectacle au Divan Orange avec le groupe Fragile Fantôme. Et oui, Divan Orange qu'on aura appris durant le Gamay qui est sur les internets qu'il fermera ses portes l'année prochaine. Je crois que c'est bien l'occasion d'y retourner. Je suis allée jeudi dernier. Alors oui, je vais vous faire une critique de crowd très, très bientôt du spectacle que je suis allée voir. C'était le lancement des Vétérans. Alors vendredi, Métalleux, peut-être bien que tu vas être au théâtre Corona puisque c'est Children of Bottom. Et... Ah! C'est merveilleux. Je ne savais pas que ce groupe, ce groupe hommage existait. Et, tu sais, il y avait eu les Baby Spice à l'époque. C'est quand même une sorte de forme de show hommage, non? Mais bon, le concept est obscur, avouons-le. Reste que cette fois-ci, c'est bel et bien un groupe hommage aux Spice Girls qui vont faire un spectacle à l'Astral. Ben oui, Wannabe. Moi, je capote bien raide. Je pense que ça ne me motive pas d'y aller, mais je capote pareil. Et autrement, à quelques coins de rue de là, de l'Astral, il y aura un autre show hommage, mais cette fois-ci, c'est le club hommage du Club Soda avec April Hate, l'hommage à Nirvana. J'ai déjà fait la critique de Crowd. La Crowd est folle raide, ça n'a aucun sens. Fait que oui, vous allez avoir du plaisir, vous allez vous sentir comme dans les années 90. Et en première partie, il y a, ben oui, Octoplot. Samedi, Fred Fortin sera en spectacle au Théâtre Fairmount. Si vous avez aimé la chanson de Patente que je vous ai passée tantôt, ils vont être en spectacle au Bistrot de Paris avec Lap Saria et Max Power. J'ai fait la critique à la Sala Rossa. Très, très court, encore une fois, ces chansons. C'est tout le temps des 10 secondes. C'est assez efficace. Et il va y avoir aussi Love Lace. Samedi également, il y a Reanimator qui vont être en show avec Boring the Oppressor, Brand by Pain. Et j'ose croire que c'est peut-être un des derniers spectacles de Smirking Revenge. J'ai appris qu'ils se séparaient. À suivre. Tout ça, ça se passe aux Catacombes. Lundi, bruit de criquet parce que... j'ai rien trouvé. Mais sinon, vous pouvez toujours m'envoyer vos suggestions sur le Facebook de Critique de Crowd, pas juste faire des échanges de sacs bananes. Toutes les critiques et toutes les suggestions sont les bienvenues. Et, oh mon Dieu, ben dimanche, j'ai sauté dimanche, il y a Interrupters avec Swimmers et The Regrets au Club Soda. Et mardi, Angel Olsen au Théâtre Rialdo. Finalement, mercredi, Mogwai vont être en show au Théâtre Corona et les rappeurs de Suicide Boys seront à l'Olympia. Poursuivons tout de suite en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM. Je vais aller tout en pop puisque c'est une émission bien rock. Vous allez me dire comme d'habitude, comme de fait, mais oui, très pop avec Vendredi sur mer et la très accrocheuse Alice et moi. J'ai regardé dans ton téléphone, il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne, elle est charmante cette fille. Je ne l'ai pas supprimé, j'ai attendu que tu le vois. Et là j'ai pu t'admirer, en train d'imaginer sa voix. Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Elle fait pleurer les garçons et elle a bien raison. Elle fait pleurer les garçons.

Ah, un vrai verre d'oreille. Alice et moi et la chanson Filme-moi. Et en l'écoutant, je faisais le constat que c'est peut-être pas la chanson à chanter à voix haute en public. Ça pourrait porter à confusion. Mais sinon, une très bonne chanson de Alice et moi. Et vous avez aussi entendu Vendredi sur mer. Ces chansons se retrouvent sur le site de CISM, CISM893.ca. Mais oui, dans la section palmarès. Et sinon, ben, y a tout plein d'autres onglets et bien de la magie sur ce site Internet, sur nos médias sociaux et sur l'application, que de la joie sur la marge. Et oui, vous écoutez. Écoutez toujours Critique de Crowd. Ah, en ce spécial, j'aime bien ça que toutes les que toutes les émissions de Critique de Crowd soient spéciales. Ben oui, Rouge Pompier et bien des invités en cette fête au Club Soda. Je vous ai déjà décrit comment étaient installés, oui, les instruments un peu partout dans la salle, si je peux le dire ainsi. Il y avait quand même un stage, là, il n'était pas non plus droit à terre. Et ça permet d'avoir des entractes assez courts, comme je vous disais, très peu de changements. Et même si les entractes pouvaient être courts, il y avait une animatrice de foule. Et effectivement, animateur de foule, on fréquente peu ça dans la scène musicale au Québec. J'ai envie de généraliser parce que, bon, oui, on en trouve en festival, à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que, oui, je dis oui, là, mais des fois, c'est comme si c'est l'organisateur du festival ou un humoriste, puis il vient dire « Bonjour! Êtes-vous en feu? » Et après dire « Êtes-vous en feu? » c'est « J'ai pas entendu! » Puis là, on vient juste de réaliser que l'animateur de foule a des problèmes d'acouphènes. Fait que là, hey, « J'ai rien entendu! Êtes-vous en feu? » Puis accueillir chaleureusement tel artiste! Bon, on aura compris que c'est vraiment juste pour entertainer pendant une minute maximum la foule. Et on n'est pas tant habitué au Québec. C'est juste parce qu'avoir d'autres anecdotes d'amis à l'extérieur qui disent que oui, ça peut être quand même plus fréquent d'avoir des animateurs de foule en spectacle. Ça a été peut-être un accueil mitigé au départ. Moi aussi, je suis restée un peu bête. J'étais comme « Oh! On vient nous discuter! » Je trouve ça bien sympathique. Mais oui, il y avait comme une espèce de forme d'adaptation dans la foule. Et la preuve, c'est que je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle allait sur scène, étant donné, comme je vous disais, je suis arrivée en retard. Ben, il y a quelqu'un juste à côté de moi qui a dit « T'es qui, toi? » Et faut quand même le dire. Peut-être que certains y avaient pensé. Et en même temps, faut pas être gêné. Mais ça a été repris de façon assez excellente, justement, par l'animatrice de foule qui était Émilie au booking chez Slamdisk. Oui, qui nous jasait et qui nous entertainait. Mais ouais, je trouve qu'il y avait comme un niveau de culot encore plus élevé de devoir répondre à la foule qui n'est pas habituée d'en avoir des animateurs de foule. Mais c'était bien sympathique, les intros. Et mon Dieu, parlant de sympathique, hey boy, ça l'incarne la... la sympathie en lui-même. Lubic, je ne connaissais pas vraiment ce groupe. Oui, j'avais écouté leur dernier album, mais juste une fois au courant de l'année. C'est un quatuor qui existe depuis 2010, qui vient de l'Abitibi. Et, oh mon Dieu, le chanteur est complètement survolté. Il est... incarne-t-il la joie de vivre? En tout cas, il est comme une sauterelle. Il rebondit partout. Pour moi, ça me faisait penser à un petit comme skate punk. Tu sautes, puis tu veux montrer que t'es flexible des jambes. Et en même temps, drette au début de son spectacle, je crois que j'ai été encore plus stupéfaite de réaliser que il faisait pas juste chanter. C'est drôle, en album, je le sentais pas aussi fort, mais comme il gigrappe, là, comme... il rappe aussi, il fait des moves de rappeur, puis il s'énerve en même temps. Là, j'étais comme « Wouah, trop d'informations! » Et c'est là que je me suis sentie mal, parce que... comment puis-je juger quelqu'un qui est surheureux? Je veux dire, Jolene Ruel, sur les ondes de CISM en tant que critique de Crowd et en dehors dans ma vie, on pourra pas m'accuser d'être quelqu'un de... d'un peu pâle. Tu sais, je suis tout le temps en train de rire, je m'énerve, je suis exubérante. Fait que je sais pas à quel point il était plus pour que j'en sois perturbée. Mais honnêtement, les premières chansons, je faisais juste comme me dire « Wow, à qu'est-ce que j'assiste? » Puis en même temps, c'était la preuve comme quoi j'étais pas une habituée ni une fan du groupe, puisqu'il y avait des hardcore fans dans la salle. Oh ouais! Ce qui est particulier, c'est que dans la foule, c'était relativement dégradé. Mais un dégradé à l'envers. Souvent, ça va être plus crowdé en avant, plus ça va commencer à se dégager au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Mais là, c'était, relativement pas trop proche de la scène. Mais les gens qui étaient hyper fans s'étaient mis comme vraiment au centre. C'était quand même pogné dans ce coin-là. J'ai trouvé ça, comme disposition position quand même particulière. Oh mon Dieu, avant de l'oublier, le chanteur, quand je vous dis là, vraiment la joie de vivre incarnée, là, il est descendu. Oui, la reconnaissance peut-être aussi incarnée, parce que direct au début du spectacle, il est descendu dans la foule, puis il venait tous nous voir un après l'autre en gambadant, puis en disant « Merci d'être venu ». Et il prenait le temps, là. « Merci d'être venu. Je suis vraiment honorée. Merci beaucoup. Vous êtes d'un beau. » J'aime « Wow! » ce genre de compliment-là, et de prendre le temps, oui, de se déplacer aussi vite et de parler autant, ça me paraissait un peu surhumain. Et peut-être qu'au final, ce qui me surprenait le plus, c'est qu'il y avait, il jouait exactement au même endroit que Fuck Tout. On s'entend que jouer après Fuck Tout et être aussi heureux, il y a quelque chose de dichotomique. Mais inversement, les deux, autant François de Fuck Tout, autant que le chanteur de Lubic, sont extrêmement volubiles. C'est juste leur énergie qui est en complète opposition. Mais oui, aussi, scéniquement, ils vont pas avoir la même attitude. François, il va quand même plus à se pencher sur scène, puis justement être couché. Lui, il est plutôt aérien, il va sauter dans tous les sens. Mais de prendre de l'espace, les deux, ils ont quelque chose en commun. Puis rien en même temps. C'est assez incroyable pour cet enchaînement de groupe. Là, ça, c'est assez sûr. Pour revenir aux hardcore fans qui m'ont vraiment... Ils étaient quand même quelques-uns. Ils connaissaient les tunes par cœur. Ils chantaient toutes. Et ça headbang, mais là, pas comme tantôt. Là, ça faisait... c'était très physique comme headbang. Là, c'était plutôt l'inverse, comme un coup cassé. T'sais, c'est retenu comme mouvement. Et de toute façon, c'était pas des gens très chevelus. Là, fait que... On n'était pas là pour laisser aller la crinière. Non, j'ai même trouvé qu'il y avait des mouvements très particuliers à ces hardcore fans qui dansaient. Oh, permettez-moi l'expression, mais ouais, ils dansaient sexy. Ils dansaient sexy, mais sexy jello. Tu sais, c'était un peu mou, mais il y avait quelque chose de sensuel. Je pourrais pas dire. Ça doit être parce qu'ils ondulaient, mais ondulaient monsieur, là. J'espère que ça te donne une bonne image en tête, cher auditeur de La Marge, parce que c'est un peu dur à décrire. Tout comme leur appréciation qui se fait de façon très faciale. Tu sais, ils vont faire la moue, tu sais, avec la bouche, mais ils vont avoir le nez retroussé. Tu sais, en headbangant d'un petit mouvement de tête. Ouais, on le sent qu'ils apprécient. Ouais, c'est... Comment expliquer la satisfaction des gens par un nez retroussé? C'est dur à expliquer, mais quand tu le vois, c'est assez limpide. Autrement, oui, ça sautille, ça s'énerve, même qu'à la fin, il me semble que ça trashait, mais encore une fois, plus comme à gauche, c'était pas au centre, milieu, arrière. Le spectacle a été particulièrement marqué par cette invitation à body surfer et... J'en tousse de malaise. Non, pour de vrai, peut-être un... C'est un malaise et c'est très personnel. Le chanteur a dit... Une mademoiselle, une demoiselle, il voulait une fille en premier. Et pour moi, qui est une grande adepte de body surfing, ça m'a complètement bloquée. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin que ce soit une fille? Je suis capable d'y aller tout seul et de mon plein gré, garçon. Et là, vu qu'il insistait que ce soit une fille, qui sont pas majoritaires dans la salle, même pas, disons, à parité, je me demandais pourquoi cette discrimination positive. C'en est quand même une positive. Souvent, c'est pour les mettre en valeur ou tout simplement parce que certaines pourraient être timides. Puis là, c'est le moment où je vais jouer la gérante d'estrade, là, mais pourquoi t'as pas juste demandé comme quelqu'un pour body surfer et tu peux pointer des filles? Puis peut-être qu'il y en a une qui va dire « Ah, ben oui, je me sens interpellée », au lieu de vouloir absolument une fille. Parce que là, ça fait l'effet inverse. Ça a été un gars qui est monté sur scène avec un prénom unisexe, Gabriel. Fait qu'on peut toujours se dire qu'il est femme dans son âme. Mais non, c'était un gars qui était bien show-off. Il a fait des mouvements de taureau pour se donner un élan et s'élancer dans la foule. Par contre, on voyait que c'était un habitué parce que son élan était très, très beau. Il a même arqué du dos. Alors, ça faisait comme une tête de proue, là, en bateau, dans la vague, vers le body surf. Oh! Oui, c'était très beau, on aurait cru une sirène. Et le body surf, quand même court, étant donné que la salle était coupée par la scène de Rouge Pompier au centre. Alors, dès qu'arrivait au drum, ça fait un peu demi-tour, puis ça s'est terminé là. Et enfin, le spectacle, l'invitation, là, cette fois-ci, c'est pour tout le monde! Tout le monde sans exception! Et oui, ce sera une invitation à être en petit bonhomme et de sauter sur place. Un classique quand même dans les shows de punk rock. Les gens ont beaucoup participé, du moins, encore une fois, je suis quand même en avant et les gens étaient, ils répondaient très bien aux participations, à l'implication du spectacle et le faisaient d'eux-mêmes puisqu'ils chantaient les chansons. Alors oui, et pour moi qui avait été bien déstabilisé au début du show, je crois que, dans un sens, je me sentais décalée tout le long du loin du spectacle, mais avoir entendu quelqu'un dans la foule dire « ça, ça fait ma soirée », je me suis dit « ouais, il y a clairement des fans de Lubic » qui ont été comblés ce soir-là. Alors, ouais, encore une fois, comme j'ai dit en début d'émission, la variété de bands faisait en sorte que j'ai l'impression que c'était aussi une rencontre hétéroclite pour les différents fans, parce que, ouais, j'étais du côté des amateurs de fuck tout, là, à la droite de la scène. Ah, étonnamment, il y en avait moins. Eh oui, ça vient peut-être pas rejoindre tout le monde, mais oui, ça va pas peut-être piquer la curiosité de certains amateurs au spectre plus large de rock. Sur ce, ben oui, on va aller en écouter. Alors, Lubic sur les ondes de CISM. Cowboy sur les ondes de CISM avec, ben oui, le groupe Lubic que je vous ai parlé. Et la chanson Cowboy se retrouve sur leur album Jusqu'au bout! Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et, ben oui, Octoplot, qui était aux sessions live de CISM jeudi de la même semaine. Ben oui, nous les aimons, ce cher duo. Et je trouve que c'était un très beau spectacle. Déjà, esthétiquement, c'est drôle, je veux dire, oui, je sais, je critique la foule, mais il y avait vraiment l'éclairage. C'est si simple. C'est de la lumière, après tout. Mais ça fait toute la différence sur l'atmosphère que ça l'amène pour tout le restant de la prestation. Et je sais pas à quel point, je vous dirais, quelle foule énervée et incroyable. Non, c'était plutôt posé. Mais le fait qu'il y avait vraiment des spots sur chacun des musiciens qui, oui, ils sont allés du bleu au rouge, sans être tamisé, il n'y avait pas beaucoup d'autres éclairages. Alors, on était, plongés dans l'obscurité et les instruments étaient plutôt à l'avant-scène, ce qui créait vraiment une atmosphère intimiste. Et leur musique est quand même lourde, oui, ils ont des tunes qui peuvent quand même plus rentrer dedans dans le sens où il y a place à trash et pas juste à être contemplatif dans... durant leur set. Mais moi, je crois quand même que esthétiquement, ça l'amène ça comme... On est doux, puis on est doux. Je sais, musicalement, t'écoutes ça, puis tu dis pas quelle musique douce, là, mais je trouve que, oui, ça amène comme une certaine forme de quiétude. Mais ça a recommencé avec tantinet d'humour par l'animatrice de foule qui nous a fait scander Plot, parce que pour tous ceux qui ont des doutes sur l'orthographe d'Octoplot, ben oui, t'as le droit de dire Octoplot, parce que justement, on l'a répété tout en groupe, de façon grivoise. Oui, probablement, mais en même temps, vu que c'est Octoplot, je crois qu'on pouvait passer bien à côté du mot Plot. Ben oui, c'est un show familial, là, faut faire attention. Et... sinon, ben comme de fait, c'est pour moi, dans ma section, je crois qu'à à droite, c'était plutôt tranquille. J'accuse l'espèce de... Je sais pas c'est quoi le mot technique, là, mais l'espèce de passe-fil, là, qui fait toujours comme un petit pont, là, par-dessus, en plastique. Oui, évidemment, pour pas, comme, décrocher un fil, et aussi pour pas varger dedans, mais ça fait quand même une séparation dans la salle qui n'est d'habitude pas présente, étant donné que, oui, là, il y avait la scène au centre de la foule qui obligeait d'avoir ce passe-fil-là, qui a juste pas. Mais moi, je crois que ça a quand même créé une certaine division implicite dans la foule, parce que les trash, quand c'était sur la scène, les groupes qui jouaient, ben oui, les trash étaient toujours comme à gauche et pas si rapprochés. Ça, je me l'explique toujours pas, par contre, là, mais oui, plus à gauche qu'à droite. Pour la technique, j'en ai pas beaucoup parlé tantôt parce que ça me... Ouais, c'est un peu garroché, mais pas une technique très précise dans le trash. Cette fois-ci, pour... Je sais pas, j'avais un sentiment que le trash était... plus traditionnel, on était moins dans une confusion de mouvements. Alors, trash quand même classique, ça saute quand même particulièrement beaucoup, puis il y a une camaraderie à l'intérieur, j'ai vu des high five dans le pit, et qui n'est pas non plus dans des grands mouvements, parce que j'étais juste à côté et je me suis fait très peu accrocher. Alors, un petit noyau bien serré de trasher que je reconnais parfois d'un spectacle à l'autre, amateur de la scène francophone rock. Ben oui, tu es présent à de nombreux spectacles et oui, je te vois t'énerver d'une fois à l'autre, c'est quand même bien joli. Ce qui me fait penser que l'écart d'âge était assez grand. Il n'y avait pas de médiane parce qu'on avait autant affaire à des ados qui headbangaient vraiment plus comme à fuck tout que pour Lubic, mais que l'amateur de rock était bien présent dans le pit. J'ai l'impression quand même plus, ben oui, surtout à Rouge Pompier, mais Octoplot, il y avait peut-être un peu plus ce mélange-là entre... un mélange générationnel. Allons-y, je me permets de le dire. Mais un pit quand même, ouais. Justement, le fait que j'étais très peu accrochée et si proche, c'était quand même mollo. Et encore une fois, participatif pour les invitations à clapper dans nos mains par le groupe. Une foule à l'écoute et qui a envie de fêter. Je crois que c'est surtout ça le point, ma bande de fêteurs. Je vous le dis, je les reconnais de face. Un jour, il va falloir que je me présente. Je vais être obligée genre, d'aller les voir et leur dire « Bonjour, toi, amateur de rock, poivre et sel de la tête. Je te décris souvent en ondes, mais on ne se connaît pas. Mais en même temps, c'était quoi ces ISM? Manifeste-toi! Manifeste-toi! » Je serais bien curieuse, d'avoir ta perception des shows, vu que je vous croise vraiment souvent. Et sinon, ben oui, je suis retournée un peu plus en avant parce que je trouve que avec le setup du groupe, ça donnait le goût d'être près du band puis peut-être moins trashé. Alors, j'ai eu élan de galanterie de la part d'hommes et de femmes qui voulaient... ils ont bien vu que j'avais une petite taille. Fait que là, ils se sont dit « Ah, mais veux-tu être en avant de nous? Nous sommes grands! » Et j'ai trouvé ça très gentil de leur part parce que, ben oui, C'est parce que c'était unisexe. Les deux me l'ont proposé. C'était pas juste le gars par galanterie. C'était une question de grandeur. Fait que j'ai... Merci, c'est bien mignon, mais j'ai refusé parce que c'est pas parce que je suis petite qu'il faut nécessairement que je sois dans la première rangée. Je trouve ça drôle, l'espèce de comparaison dans une salle de spectacle. Si on n'est pas comme ces photos au primaire. Je suis en train de tenir la petite pancarte. Je vais à l'école Saint-Pidis avec notre professeur Mireille juste parce que je suis la plus petite. Mais je vous remercie encore. Je trouve que c'est une crowd qui savait bien vivre. Alors sur ce, ben, on va continuer en musique avec Octoplot, Démon Normal. Oui, vous aurez reconnu Octoplot sur les ondes de CISM, chanson de leur nouvel album qui porte le même nom. Ben oui, Démon Normal. Et vous écoutez Critique de Crowd qui, ben oui, ils arrivent, Rouge Pompier. Ils arrivent pas à peu près. Encore une fois, je crois que c'était une soirée de surprise parce que à avoir vu plusieurs fois Rouge Pompier en festival et pas en tête d'affiche, je crois que j'avais pas l'ampleur de l'amour des fans. Et c'était assez fou, là. Genre, le show n'avait pas commencé, ça applaudissait comme des malades. Et même après la première chanson, c'était le cas. C'était très beau à voir, mais c'était très intense d'aussi longs applaudissements. Vraiment. Et pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, tu sais, pendant que les gens témoignent de leur amour critique de Crowd, cherche sa place! Je pourrais crier comme ça longtemps parce que, oh mon Dieu, là, je vous ai dit que la scène était au centre. Mais ceci n'est pas le stage de U2 360, là. Je ne suis pas allée au spectacle parce que j'aime pas U2, mais aussi parce que, bon, tu sais, c'est un cercle en rond, tu sais, c'est en rond. Tandis que là, c'est carré! Fait que t'as le droit à 4 espaces de crowd. T'as, eh ben, t'as face à la scène qui n'est plus occupée. Tu es face à la sortie. Tu es du côté des bars. Moi, j'étais en premier au côté du bar. Et en plus, la serveuse, elle nous dit « Appuyez-vous pas, là! » Il est un peu chambranlant, mon bar. Et je suis comme « Eh boy, ça va pas se passer à soir. » Fait que, en plus, je suis devant l'ampli. Je suis petite, comme je viens de le mentionner. Fait que j'étais comme « Ah oh non, ça ne sera pas l'idéal. Ça ne sera pas l'idéal. » Alors, fait que, ouais, ça m'a pris du temps trouver mon espace dans la crowd. Surtout que pour Critique de crowd, tu sais, j'ai envie de vous faire un compte-rendu le plus représentatif du spectacle, mais je peux pas être à deux places en même temps. Je peux pas être comme des deux côtés où il y avait le plus d'espace pour la crowd. Et... autre particularité, ben oui, c'est au centre du parterre du Club Soda, mais c'est sur un stage. Fait que oui, il y a une certaine hauteur, contrairement à des spectacles, comme je vous ai critiqué dernièrement, Double Date with Dead, qui ont joué par terre au Divan Orange. Puis ça faisait plus demi-lune. Je sais pas, que j'avais plus l'impression que je pouvais voir toute la foule, tandis que là, faut que tu prennes des choix. Ouais! Et j'ai fait le tour quand même rapidement pour décider ma place dans la crowd. C'est quand même assez serré. C'était très, très étroit hein, entre la scène et les bars. Fait que peut-être que pour certains, c'était un bon positionnement, mais ouais. Question déplacement, tu peux être souvent comme obligé de te tasser, là. Ça peut être compliqué. Tandis que, moi, j'ai l'impression que du côté de la scène, c'était là où il y avait le plus d'espace et peut-être les gens les plus promptes à trasher. Même si du côté sortie, bien plus près de la sortie, là, pour que vous compreniez mieux, j'ai l'impression que ça trashait également. Oh oui, le trash est à l'honneur. Et même que ça doit être... tu sais, quand je dis « trashy », c'est aussi l'amour. L'amour qu'on a pour le groupe. J'avais été surprise de la hargneur. Oui, oui, c'était violent. Tu sais, pour la toune chat, je me disais, c'est vrai qu'elle a de l'entrain pour pouvoir se pousser le camarade, mais de là à ce que je me sente que je suis dans un combat de gros bras. Oui, j'étais comme, mais voyons donc. Voir que c'est aussi intense. Oui, oui, quand même. Mais pour moi, ce sera oui, encore une fois une marque d'amour parce que les applaudissements sont longs, ils sont intenses, ils sont chargés, des gros applaudissements avec des cris, puis des « ouais », puis des claps, puis ça fait du bruit, puis c'est heureux. Et ça va aussi se prouver dans les participations, puisque durant Open Live, ben, les « ouh-ouh » vont se faire tout aussi longuement. Ça me fait penser... ça, c'était ouais, du côté du stage. Il y avait quelqu'un qui avait décidé de percher le micro sur la foule pour répéter les ouh-ouh. Puis je me suis demandé si c'était-tu organisé ou c'est quelqu'un qui s'en est permis vraiment beaucoup dans la crowd. J'étais comme... J'étais pas certaine. Mais en tout cas, ça aurait été un moment où les gens se le seront permis parce que l'espace scénique était pas monopolisé. Déjà, il était petit, tu sais. Je pense pas que des gens auraient pu monter... Oui, les gens auraient pu monter puis stage diver. Je pense pas que ça aurait eu tant pris de l'espace. Mais les gens l'ont pas fait. C'est peut-être justement la proximité déjà qui amenait... ce stage-là, au centre de la salle, sa petitesse, que non, les gens s'en sont pas accaparés. Et question, mon Dieu, jasette à la crowd. Oh mon Dieu, j'ai plus par où partir. Oui, le spectacle, il y a quelque chose de très rodé, ce qui est jasé entre les chansons. On voit une forme de préparation, mais dans un delivery très naturel. Fait qu'on n'a pas l'impression que c'est plaqué. C'est préparé, mais dans le bon sens d'un spectacle. Des fois, quand on bafouille et que ça fait... Ouais, oui, le bon angle d'un spectacle et d'une préparation dite professionnelle, mais encore une fois, avec... cette façon camarade de s'adresser aux gens, sans trop de flafla, mais surtout très, très naturel. Mais là où il y avait, on le sentait très bien, une préparation, mais que j'en cherche encore l'intention. Ah! C'était cette fausse polémique. Fausse polémique de les filles. Les filles, vous êtes petites. Et on aimerait ça être juste entre gars durant les spectacles. Sur ce, je ne mentionne pas toujours à Critique de Crowd que, ben, on est juste quatre filles dans la salle. Parce que ça serait déprimant, peut-être, à chaque semaine de le répéter. Parce que d'un genre musical à l'autre, ça peut varier. Parce que je sais pas à quel point j'accorde l'importance au sexe entre les jambes des gens et leur appréciation des genres musicaux et leur implication en spectacle et le fait qu'ils se pointent en show. Fait que, ouais, ça, c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde plus ou moins à Critique de Crowd. Oui, mais non. Mais cette fois-ci, il est drette dans ma face. On vient de me rappeler que je suis une fille et que, entre guillemets, là, pour l'ironie, on aimerait ça être juste en gars ou... Là, ça finit que c'est une compétition de chansons. Vous chantez mal. Et là, on chante, puis là, c'est pas bon. Puis là, après ça, les gars, ils chantent, puis là, c'est bon. Là, on leur commence, puis on leur commence. La seule chose, c'est que... Ça m'a paru comme ça en punch. J'attendais. J'ai attendu comme l'aboutissement de tout ça parce que l'ironie, je présume que ça en est, même si ça n'a fait rire personne. Donc, ce n'est pas exactement de l'humour. L'humour est-il obligé d'avoir une réponse physique? Qu'est le rire? Ce sera toujours un autre débat. Mais là où j'en ai la certitude, c'est sûr que c'est en connaissant les membres du groupe qui veulent avoir plus de femmes dans la scène musicale, qui veulent que les femmes prennent plus de place en général dans la société, et aussi par le micro par la suite où Jessie a dénoncé le harcèlement dans les salles de spectacle. Et oui, alors, permettez-moi de dire plotage. Là, on a dit octoplot tantôt. Alors, plotage pendant les body surf. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je vous en ai déjà parlé, chers auditeurs de CISM. Je crois que les gens dans la foule, oui, quand tu vois quelque chose, implique-toi. Tu peux dire non. Je veux dire, ce n'est pas légal déjà comme action. Alors, tu peux demander, tu peux tasser la personne qui le fait. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler. C'est plutôt la méthode pour amener le point que je me suis dit, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que les gens se sont bien rendus compte de l'ironie et du message par la suite? Ça me paraissait... Je sais pas à quel point non plus. Le temps d'une chanson, est-ce que les gens ont fait le lien entre les deux? C'est dur à dire, on n'est pas dans la tête. Et oui, il y a eu des applaudissements pour la dénonciation, pour le fait qu'on veut que les scènes rock soient accessibles aux femmes, aux enfants, à tout le monde. Mais pour moi, ça me rappellera toujours que l'ironie et le sarcasme sont les c'est pas un procédé humoristique en passant, c'est plutôt comme un ton, là. C'est un genre à la limite, mais c'est probablement le ton le plus difficile. C'est tellement dur de pas passer à côté, d'être tout à fait bien compris. C'est l'humour à manier comme le couteau le plus tranchant. Et ouais, pour moi, tu vois, ça me reste dans un sentiment mitigé. Et l'ironie, ça fait ça des fois. Tu fais comme, si tu réussis, c'est pas réussi. Je sais pas comment je me sens. Puis ouais, je pourrais pas passer à côté. Ça m'a fait ça durant le spectacle. Sur ce, oh mon Dieu, il en parle lui-même dans ses chansons. Mon oncle Serge, quelle difficulté quand même de manier l'humour avec sagesse et pour faire rire les gens et continuer à ne pas être censuré et à pouvoir parler de ce qu'on veut. C'est, oui, c'est un art, l'humour. Mon oncle Serge, que j'aime toujours. Et oui, j'irai à son lancement tout à l'heure de Révolution conservatrice. On s'en va écouter la chanson « Ma droit à l'incohérence ». Il y en a qui analysent les chansons que j'écris pour en dégager ma philosophie. Veux-tu même dire que c'est qui leur prend à chercher là-dedans quelque chose de cohérent? Si un moment donné je dis une affaire, ça veut pas dire que je saprais m'en pas dire le contraire. Puis vous savez quoi? Je m'en contrebalance, c'est mon droit le plus strict à l'incohérence. Waouh! J'ai pas de vision de la vie à promouvoir, ni d'opinion politique à faire valoir. Non, je n'érige pas d'édifice théorique. Ce que je chante au public défie toute logique. Ceux qui prennent comme sujet pour leurs travaux d'école les paroles sans queue ni tête de méthode mongole, on conclut chaque fois que rien de ça n'a de sens, que tout ça n'est qu'un tissu d'incohérence. L'autre jour à la radio, j'étais en entrevue. J'ai encore aligné des phrases décousues. J'ai dit rien que des affaires qui tiennent pas de bout. Et fait s'effondrer les côtes d'écoute. Mais fuck, si vous voulez quelque chose qui se tienne, baissez vos culottes, donnez-vous la graine. Moi j'en ai mon casque de vos remontrances et je crie mon droit à l'incohérence. Oh yeah. Qui ont la berlue, tous ceux qui tiennent des propos confus, ceux qui changent d'idée comme ils changent de chemise, ceux pour qui toutes les votes de face sont permises, tous ceux qui parlent à travers leur chapeau, tous ceux qui sont toujours hors propos, ceux qui font pas ce qu'ils conseillent aux autres de faire. Moi je suis des vôtres, moi je suis votre frère. Wow! Oui, mon droit à l'incohérence, je l'exerce. Puis non, je suis pas un modèle pour la jeunesse. Oh non, je fais rien pour le progrès social. Moi, je suis plutôt du genre bien-être social. Quand je sors ma guitare et que je bugle, c'est du gros n'importe quoi jeté à l'aveugle. Un mauvais don de la merde, un fuck you immense, jeté à la face de la cohérence. Wow! Que vous n'y voyez qu'une bouillie vide de sens, une manifestation précoce de démence. Rien à chier, sacré moins patience. Moi j'exerce mon droit à l'incohérence. Mon droit à l'incohérence. Ah oui, mon oncle Serge, je l'aime tant. Et j'arrête pas de le répéter. Et oh mon Dieu, chers auditeurs de CISM, s'il y a bien une personne que j'aime, mais que j'aime comme un groupe, là, c'est vous, chers auditeurs. Et je te remercie tout de suite, Jean-Sébastien, qui m'a appelé tout à l'heure, ben hors d'onde, effectivement, pour me dire qu'il était au spectacle de Rouge Pompier, puis qu'après, oui, le fameux discours « Faites attention, filles », t'sais, on a le droit de body surfer, on a le droit de trasher, juste fais attention où tu mets tes mains. Et oui, disons-le, accidentellement, ben oui, un accident, ça peut arriver. Je veux dire, dans le trash, il y a le chaos. Tu pourrais accrocher les fesses d'un monsieur puis me dire, oh, mon Dieu, j'ai accroché les fesses d'homme sans sa permission. Effectivement, effectivement. Et dans un body surf, ben c'est quand même le milieu de notre corps. Je le mentionne parce que notre cher auditeur, il m'a dit, je t'ai vu body surfer, Jolène, puis je savais plus comment te tenir pour t'aider. Ben merci d'avoir soutenu ma tête. C'est vrai que c'est comme la... je crois que c'est la partie préférée de mon corps parce que ça tient mon cerveau et qui est pratique. Parce qu'il y a tous les autres sens, tu sais, la vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe. Ah, une tête, c'est très bon à supporter. Et, ben oui, je trouve ça important comme que des fois cette ambiguïté-là, ça pousse à l'inaction et ça, c'est bien triste. Il ne faut pas. Alors, merci, Jess, de m'avoir bien supporté. Parce que, comme de fait, stage en plein milieu de la salle, un 360 un peu carré, m'a quand même bien donné le goût. Ah, ben oui, de body surfer. Et pour moi, c'était inévident. J'ai vu la scène, j'ai vu la foule, puis je me disais, je le fais, c'est clair, c'est clair. Et étant donné une professionnelle autoproclamée du body surf, je savais que ça allait être tout à fait possible, envisageable, mais ça aurait été... ça aurait été un peu long. Parce que fallait déjà que le monde comprenne le concept. Fait que, puis il n'y avait pas eu d'autres body surf dans la soirée. La seule autre que j'ai remarquée, c'était une tentative à la toute dernière tourne. Il n'y avait pas de rappel. Fait que je pense que la fille, elle s'est dit, il est minuit moins une, il faut que je me tente. Mais ça aura plus ou moins marché. Cette fois-ci, ben oui, body surf marche plutôt bien, mais étant donné la proximité avec la scène et la foule, ben, ouais, t'avances de quelques rangées. Et là, je faisais des signes aux gens. Je disais, par là-bas! Par là-bas, et indiqué d'aller dans le corridor vers le bord. Alors, ça aurait été très lent à cette section-là où je remercie tous les gens d'avoir été aussi réceptifs. Et comme vous l'avez remarqué dans ma critique, les gens sont participatifs. Les gens, ils répondent rapidement et bien, ils sont à l'écoute. Alors, c'est pour ça aussi que je crois que ça a aussi bien fonctionné. Alors, dans une tourne aussi quand même lente, c'était VHS, mais ça m'a permis de faire le tour de la foule bien tranquille. tranquillement. Juste, mes excuses! On parle de comment toucher les gens dans la foule. Bien là, cette fois-ci, c'est moi qui va être... qui sera en faute, puisque, oui, j'ai l'habitude de ponctuer mes body surf avec des backflips. Et je crois que j'ai vraiment... mes jambes ont twisté sur la tête de quelqu'un. Justement, une tête, on y tient tous. Alors, si j'ai failli te twister le cou en deux, mes excuses. C'est moi qui aurais manqué d'attention durant le spectacle. Mais merci beaucoup, Foul, pour ce bon moment. Pour moi, ouais, vraiment, c'est vraiment la preuve d'une très, très belle écoute qu'il y avait dans la crowd. Et voilà, je ne pourrais pas faire plus longtemps pour cette critique de crowd parce que c'est bientôt la fin de l'émission. On va écouter du Rouge Pompier et surtout, on va aller écouter du Vulgaire Machin parce qu'ils ont fait une reprise avec tous les groupes sur scène. J'ai trouvé ça, oui, très beau. Au début, on s'est dit, voyons, ça me dit quoi, cette tune-là? On fait comme, mais voyons donc, ils sont en train de jouer Vulgaire Machin. Fait que tout le monde capotait dans la salle. Ça a été un très beau trash, assez énergique pour, oui, la nostalgie des Vulgaires Machins. Alors, on s'en va en écouter tout de suite Vulgaire Machin sur leur album Comptez les corps, la chanson Comptez les corps et aussi VHS de Rouge Pompier. Merci à vous, chers auditeurs de La Marge, d'être aussi gentils, adorables et de donner des nouvelles comme ça en onde. Et je vous dis à la semaine prochaine pour toute suggestion. Allez sur le Facebook de Critique de Crowd, ça me fait toujours bien plaisir de vous lire. Bye bye. L'amour, c'est un piège dans la glace de l'hiver. Tu spines dans la neige, ta carte routière est à l'envers. Le modèle scénario, crampon sur Aladdin. Ton couple vole pas bien haut sur ton tapis de Saint-Valentin. Parce que c'est croche dans ton esprit. Ce que t'entends dans le ghetto, c'est la toune de tes craintes. Ce qu'elle te dit, ce qu'elle te dit, c'est de baisser le volume de tes plaintes. En arrière, le siège de la princesse sans prince, sans roi et sans château. Si tes yeux étaient pas comme un windshield en hiver, tu verrais peut-être qu'en avant l'asphalte t'amenait ailleurs que dans le clos. Sans roi et sans château. Si tes yeux étaient pas comme un windshield en hiver, tu verrais peut-être qu'en avant l'asphalte t'amenait ailleurs que dans le clos. Propulsé par Commotion, Agitateur de culture présente Béris à Laval. La sensation folle que Béris présente son album Landing. Véritable force tranquille, ses mélodies sont aussi douces que puissantes. Béris saura vous toucher droit au cœur et vous ramener à l'essentiel. Béris, le 1er décembre, en spectacle à la Maison des Arts de Laval, située tout près du métro Montmorency. Réserve tes billets via coupe-émotion.ca dès maintenant. Diplômés, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Montréal en lumière vous promet des soirées musicales inoubliables. Sur scène, l'artiste de l'année au dernier gala de la disque, Patrice Michaud. Le groupe de feu, Random Recipe, et les pièces de son troisième album. La voix riche et l'authenticité désarmante de la jeune chanteuse Gabrielle Chong. Et les harmonies musicales distinctives et le folk raffiné de Coco Méliès. Billets en vente au montrealenlumière.com. Présenté en collaboration avec Bell, en association avec La Presse Plus et CISM. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 12e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, www.silidor.com. Bon Sound présente Lisa Leblanc en concert le 9 décembre au Théâtre Corona. Achetez vos billets dès maintenant au evenco.ca. Le dernier album de Lisa Leblanc, Why You Wanna Leave Runaway Queen, est disponible partout. Le 8 décembre, rendez-vous dès 21h à la Grande Bibliothèque pour la Nuit des Possibles. En extérieur, découvrez Instruments Avant, une installation de l'artiste Étienne Paquet. À l'intérieur, assistez à des performances artistiques, prenez part à des salons de discussion et dansez sur des prestations musicales qui rythmeront cette nuit. DJ Tignas, Buffalo Hat Singers, La Bronze et Pierre Quenders DJ Set. La Nuit des Possibles est présentée par la Serre, Arts Vivants, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, l'ONF et le partenariat du Quartier des Spectacles dans le cadre des célébration du 375e anniversaire de Montréal. LCD Sound System en concert. LCD Sound System à la place Belle de Laval, le samedi 2 décembre. Billets en vente au 1-855-634-4472 sur placebelle.ca ou evenco.ca. Pour plus d'informations, visitez le lcdsoundsystem.com. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Jeudi 29 novembre, vous écoutez Roche, Papier, Ciseaux. Le petit train s'en va dans la campagne, va et vient, poursuit son chemin, serpentin de bois et de ferraille, ou hiver de gris, sous la pluie, il est beau quand le soleil l'enflamme.